Alors, pour la partie pierre de foyer de ce mois-ci, donc la partie pierre de foyer, pour rappel, c'est un peu tout ce qui tourne autour de la communauté WoW, et plus particulièrement centré sur Warcraft. Alors, on va commencer par quelqu'un que vous avez déjà connu, qui a été posté quelques reprises sur JJ, et il a encore été reposté là-dessus. C'est Antera, c'est une artiste qui peint à l'acrylique. Et elle nous revient pour deux nouvelles toiles qui sont intitulées Parfum de Victoire et Sombre Tendresse. Alors si vous l'avez pas vu, je vous invite franchement à aller voir. C'est toujours de très belles toiles. Donc c'est une vidéo en fait qui vous présente la toile et qui vous explique comment elle a été confectionnée. J'ai eu un petit coup de cœur en fait pour la toile qui s'appelle Sombre Tendresse parce qu'en fait là elle va pas montrer comment elle a fait, mais elle va montrer qu'est-ce qu'elle a essayé de faire passer comme message à travers la toile et ce sur quoi elle a travaillé justement pour faire comment dire, un genre de focus entre la vie et la mort. J'ai trouvé ça très sympa. En fait, ça met en scène une draenei mage, un druide en forme d'arbre et une petite draenei orpheline. Et tous trois, en fait, comment dire, dans un genre de toile assez sombre et plutôt morbide, où on voit que la vie et la mort s'affrontent en quelque sorte. Et la deuxième dont je parlais, c'est Un Parfum de Victoire. Là, ça met plutôt en scène un troll mage avec une genre de tête arrachée en haut de sa main. Et derrière, on le voit dans une ambiance assez enflammée, avec des gens qui lui courent derrière. C'est toujours très beau, en fait. C'est son style de peinture qui est vraiment, vraiment très, très beau, en fait. C'est fait, je vais dire, dans la tendresse, j'allais dire. On peut pas forcément dire ça, mais je trouve qu'elle a un très bon coup de crayon et de pinceau. Et si vous connaissez pas Antera, ben je ne peux que vous conseiller de la découvrir. Ben vous trouverez directement les liens directs vers ces deux œuvres dans les notes de l'émission et en même temps on va vous mettre sur Facebook si vous souhaitez être tenu au courant des nouveautés. Amandine, toi tu vas nous parler d'un livre, je crois, enfin plutôt un magazine. Exactement. Je vais vous parler de Gamer Cult Online. Donc attention à ne pas confondre avec Gamer Cult, ça n'est pas le même magazine. Ok. Alors, j'ai actuellement dans les mains le numéro 6, mais il me semble qu'ils sont arrivés jusqu'au numéro 7 ou 8. Alors, c'est un petit magazine, il me semble que c'est du format A5, donc c'est petit petit. C'est souvent planqué chez les libraires d'ailleurs. J'ai eu un peu de mal à le trouver. J'ai été attirée la première fois parce que j'ai vu un gros orque sur la couverture, donc forcément ça m'a attiré l'œil. Oui, c'est sûr qu'à côté de Voici, c'est dur à les trouver ceux-là. Oui, forcément. Ils les mettent pas forcément en avant par rapport à Britney Spears nue, donc il faut bien chercher. Et donc, Gamer Cult Online, c'est un magazine qui normalement traite des jeux vidéo en ligne, comme son nom l'indique, des MMO. Mais jusqu'ici, j'ai pas encore vu d'opus qui soit dédié à autre chose que World of Warcraft. Donc en fait, c'est un petit peu World of Warcraft Cult Online. Donc c'est un petit magazine non seulement par la taille, mais en plus par le format, parce qu'il fait que 50 pages. Et puis c'est écrit gros, vous pouvez le faire lire à votre mamie. À Et votre donc, mamie. il y a plein de sujets différents qui commencent par exemple, les news et l'actualité autour des MMO, mais aussi des jeux de table, vous savez, les jeux de rôle sur papier avec les dés, les trucs comme ça. Oui. Ouais, un jeu de rôle de papier, quoi. Et, mais pas seulement les jeux de rôle papier, ils parlent aussi de BD qui sont axés fantasy, d'autres jeux vidéo qui ne sont pas forcément en ligne. Il parle même de mangas qui sont de ce style d'univers, quoi. Et bah, même moi qui n'aime pas particulièrement les jeux de plateau, de figurines, de trucs comme ça, j'aime bien lire de temps en temps parce qu'il parle de publications qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas mises en avant autant que le Monopoly. Donc des petits jeux de rôle sympas, genre là j'ai Metal Adventures, jeu de rôle des pirates de l'espace. Ouh là Donc ça là. me. Ça me rappelle un peu les jeux sur navigateur dont parlait JP, mais là c'est version pirate. Et donc ils sont très axés aussi JDR, jeux de plateau, ça se sent. Et ils nous parlent aussi à côté de ça de vraiment du MMO le cœur, quoi, comme dirait Ludo. C'est-à-dire qu'il y a eu certaines parties qui étaient dédiées à Aion, à la sortie du jeu. Bip, ce sera censuré, ça. Ouais. Qui a des parties qui sont aussi signées de par les pseudonymes de joueurs en ligne. D'ailleurs, il me semble qu'il y en a un qui est sur les Sentinelles, sur mon serveur. Il faudrait que je le salue, mais d'abord, il faudrait que je le tue, parce qu'il me semble que c'est un allianceux. D'abord, elle le tue, ensuite elle le salue. Et on a donc des articles. En plus, ce que j'aime bien, c'est le côté, je dirais pas artisanal, parce que bon, c'est quand même une vraie publication, il faut pas non plus leur enlever ça. Mais on sent le côté vraiment les joueurs proches des gens qui se prennent pas au sérieux, qui connaissent les mécanismes du jeu et qui ne font pas de langue de bois. Donc vous avez par exemple un inventaire des trésors inutiles, donc indispensables. Donc ça rejoint un petit peu La chronique que je fais à propos des raretés qu'on trouve dans World of Warcraft, vous avez toujours une rubrique archétype. Donc il y avait eu le mage arcaniste, il y a aussi le voleur combat. Ils choisissent une classe, une spécialisation. Donc je suppose qu'ils jouent, puisque jusqu'ici c'est choisi assez aléatoirement, visiblement. Et qui nous détaille exactement, par exemple, les glyphes à utiliser, à quoi ça sert, comment c'est utile en PvE, en PvP, quel plaisir on a à le jouer. Et tout ça, vraiment, avec des petites expériences vécues. Bon, ils se prennent pas forcément pour des pro-gamers, même s'ils connaissent bien le jeu, mais du coup, on sent qu'il n'y a pas de retenue dans les expériences qu'ils partagent, et ça, c'est très sympa. Vous avez aussi des suggestions RP, par exemple, des courses d'orientation, ce genre de choses, comme en font, par exemple, Laneway dont on connaît Sargeras. voilà, l'implication dans la communauté, puis toutes les petites courses, les quiz et les choses comme ça. Il y a aussi on va dire, des sujets un peu plus de fond, du genre communauté, le parcours d'un casual, comment jouer un casual gamer. Une autre fois, c'était peut-on rencontrer l'amour dans World of Warcraft? Des sujets comme ça qui sont à la fois dans le jeu et en dehors du jeu et qui poussent un petit peu plus loin l'aspect communautaire. Et puis, vous avez des descriptions des sites et des add-ons qui peuvent vous servir, l'histoire d'un personnage, un peu comme on fait en fait dans Wotaku. C'est un petit peu, je dirais, le magazine Wotaku quelque part. T'es en train de dire qu'ils nous ont pompés, c'est ça? Ouais, voilà. Et ben, il me semble en fait que le magazine est sorti à peu près en même temps qu'on a commencé Wotaku, donc c'est juste Ah, c'est une c'est une coïncidence. grosse coïncidence. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que chaque mois, quand je l'achète, je retrouve plus ou moins quelque chose qu'on a fait ou qu'on va faire dans Wotaku. C'est ça qui est drôle. Bon, bah, je crois que les gars, on va l'acheter, on va s'abonner, comme ça on aura nos chroniques chaque mois, comme ça. Voilà, exactement. Voilà. Ah bah, écoutez, s'ils nous écoutent et qu'ils veulent un partenariat, Non. pourquoi pas, hein. Mais... Pour l'instant, on est partenaire avec Lotus, les papiers Ouais. toilettes, mais Ouais, voilà. c'est toujours mieux. Et il me semble que je l'avais acheté il y a pas si longtemps, je l'avais acheté ce magazine-là. Et le seul regret, je trouve, c'est bien écrit, il y a une bonne ligne éditoriale. Le seul souci, c'est que c'est trop court, quoi. Exactement, ouais, Enfin, il est c'est aussi vraiment le trop côté petit. C'est frustrant un du petit magazine. Ouais. format sur. Enfin, c'est pas un format A4, c'est un format un peu comme les comics en fait, les comics américains, qui sont Oui, c'est un format A5, plastifiés. quoi. Oui, voilà. C'est tout petit et ouais, avec les 50 pages, t'as vite fait le tour et tu te dis, bon, ben, enfin, je pense qu'ils auraient rajouté 25 à 30 pages, enfin, bah, peut-être une centaine de pages, ça aurait été très bien. Bon, après, il faut le remplir, je vais me dire, mais c'est peut-être le seul défaut, c'est qu'il est très court. Bon, et Amandine, en trois questions, combien il coûte? Alors, en définitive, voilà, pour finir, donc Gamer Cult Online, ils en sont qu'au numéro 6, mais moi je trouve ça très prometteur, j'aime beaucoup l'acheter. Parce que d'une part, ça ne coûte que 5 euros. Donc d'accord, il n'y a que 50 pages, mais au moins on ne se fait pas arnaquer comme les magazines prétendus qui déchirent sur les jeux vidéo qui nous coûtent 8 euros avec aucun bonus que dalle. Parce que là, par exemple, à chaque mois, ils nous donnent au moins un booster. Mois précédent, deux boosters. Sachant que dans ces boosters, par exemple, j'ai obtenu le poulet mécanique, donc ça vaut toujours le coup, hein. Ouais, c'est surtout, c'est Ah, pas pour écoute, jouer aux hein. cartes, mais avoir les bonus en fait. Voilà, et donc 5 euros pour 50 pages de booster et puis aussi un magazine enfin, participatif dans le sens où on peut nous-mêmes leur envoyer nos articles ou nos dessins ou nos histoires, nos suggestions. Donc c'est dans ce sens-là que j'entends fanzine, parce que c'est très proche de la communauté de World of Warcraft et de la réalité du MMO. Et que c'est plein d'illustrations, de screenshots, que c'est joli et agréable à regarder. Et puis voilà, bah, si vous avez rien à faire aux toilettes, vous pouvez toujours l'emporter. Et ça, c'est quoi la période de... La périodicité? Oui. Alors, bah, au début, visiblement, c'était censé être deux fois, enfin, une fois tous les 2 mois. Mais ils ont eu un petit peu de mal à tenir les délais. Donc, visiblement, là, ils s'attaquent plus aux saisons. Hiver 2009, printemps 2010. Donc, je dirais que visiblement, c'est trimestriel. C'est très sérieux, visiblement, parce que quand même, ils se démerdent pas mal, mais ça démarre, c'est que le numéro 6, donc ils doivent être comme nous, ils ont un petit peu de mal à boucler dans les temps, hein, on va dire. Ouais, nous aussi, niveau délai, on est toujours au top. Et pour finir, donc tu peux nous rappeler le nom? Gamer Cult Online, donc Gamer Culte Online. Gamer. Ils doivent bien J'aimais avoir un site internet quand même, donc bon. Culte Online. Voilà. D'accord. Oula, ça c'est déjà vachement moins à guicheur, quoi, tu sais. J'ai mes cuites online. Ok, très Ah, bien. voilà. Bon. Bah, ok. On va s'arranger pour l'écrire quand même directement sur le sur le la présentation parce que ouais sinon les gens vont se bah s'ils tombent sur Gamer Cult, ils vont dire mais c'est quoi ça, ça a rien à voir. Bah non, ça a rien à voir. Très bien. Ben, merci Amandine. Je vais enchaîner sur un nouveau podcast qui est sorti sur World of Warcraft et qui s'appelle WoW Toolbox. Ils en sont à leur premier épisode et ce dernier est sorti le 31 janvier 2010. Donc c'est Crunchyroll et Mizu qui vous présentent ce podcast et ils vont parler des dernières news au niveau de World of Warcraft. Ils vont aborder une classe qui est le chaman. Ils vont parler également des stratégies à la citadelle des... Citadelle des Flammes Infernales, je vais dire non. Ça peut bien loin. La Citadelle de Glace, qui est Poulentraille et Trognupu. Et une petite dernière partie, c'est un peu une sorte de fourre-tout où ils vont parler un peu de tout en vrac. Donc voilà, si vous voulez aller l'écouter, je vous mettrai les liens directement dans les notes de l'émission. Donc ce nouveau podcast, et si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à les encourager. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours constructifs, que ce soit aussi bien positifs que négatifs. Dans tous les cas, c'est bon à prendre, si c'est détaillé. On va continuer la pierre de foyer avec un petit tour sur notre forum, parce qu'il y a parfois des petits sujets intéressants. Donc celui-ci a été posté par TSG. C'est 380 icônes qu'il a retouchées en fait sur WoW. Donc si vous faites un site sur WoW et que vous êtes à la recherche de quelques icônes, ben, je trouve qu'elles sont vachement sympas celles qu'il a fait. Donc il a fait avec l'aide de Whisperfrost. Donc c'est directement sur notre forum et je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Et franchement, elle claque. Hein. Je sais pas si vous les avez vus, vous, de votre côté, mais... Vu le pack détaillé, là, non seulement la présentation est excellente, et puis en plus il a fait l'effort de respecter vraiment les icônes de World of Warcraft, c'est très chouette. Rien que de les regarder, mais sans même sans avoir l'intention de les utiliser, je trouve ça agréable à regarder, c'est sympa, on devrait trouver le moyen de les mettre à disposition des gens. Ouais, bah, c'est sur le forum, donc On va avouer qu'on n'a pas tout compris comment les installer, on va essayer de... Tout à On fait. va essayer, hein, n'est-ce pas? Hein? Ouais, Faut dire qu'on est un Dans peu le concept, détanche on a des bien fois, compris à quoi ça à servait, mon mais... avis, ça doit être super simple, mais on est sacrément con quand même. Donc, C'est aussi possible, oui. Non, ce que je voudrais savoir, si on pouvait, si TSG, quand il écoutera ce podcast, enfin, je le posterai sur le forum, est-ce que c'est la possibilité de les utiliser pour son bureau, son desktop, son bureau Ton Windows? desktop, ah, Desktop! tu l'as fait à la fin. Eh bien, écoute bien, JP, figure-toi que tu peux les utiliser pour ton desktop. Non, mais Le c'est très tour à simple, en tes fait. applications iPhone. Ah, iPhone. Bah, tu télécharges les icônes en fait sur ton bureau et après tu dis à Windows d'utiliser ces icônes-là en passant par les propriétés de fond d'écran. Non, mais en fait, a priori, avec ces icônes, c'est que tu peux les utiliser directement en jeu. Alors bon, il a expliqué un peu comment ça marche. Comment on est qu'on n'a rien compris? Voilà, moi, pas tout comprendre non plus. On est détanche. Donc, on va essayer de faire un bac plus 12 et on revient ici, là. En plus, il nous a pondu un énorme pavé pour nous expliquer qu'on n'a rien compris. Bon, en continuant sur notre forum, là on va faire un peu l'autopromotion. Je sais, c'est pas bien, mais bon, en même temps, c'est des petits jeunes qui débutent, donc faut les aider. Le premier, c'est Circle qui nous a posté, ça, enfin, nous a plutôt pondu, même je dirais. Pondu, oui. Il pond Oui, des œufs. pondu, je ponds. C'est une vraie poule. Oh! C'est la poule qui fait Tatatouille! Voilà, donc c'est Circle. Donc il nous a pondu sa dernière création qui s'appelle The Fall of the Lich King Symphony. Putain, tu parles bien l'anglais. Ouais, je sais, j'ai un accent. Oh, of the Lich King Symphony. Yeah. Voilà. Donc la I'm troisième quite a partie qui care. s'appelle la Rédemption par rapport à celle qu'il avait fait juste avant. Donc en un mot, je dirais sublimissime. Si vous ne Merci. l'avez pas écouté, vous avez déjà tort parce qu'il faut aller l'écouter tout de suite. C'est vraiment dans la lignée de Tout de ce qu'il suite, vous avez compris? a fait. Si tu n'écoutes pas ma compo, Sinon, on sait où je jette t'habites, un on tuera sort. ton chat. Voilà. Voilà. Non, mais c'est Exactement. vraiment dans la lignée de ce qu'il a fait juste avant. Enfin, c'est même pas dans la lignée, c'est au-dessus de ce qu'il a fait juste avant. Mais c'est. Voilà, s'il n'y a pas de mots, faut vraiment l'écouter. Ça vaut vraiment le détour. Et même quand vous jouez à WoW, vous calez cette musique et franchement, le dépaysement est garanti. Bon, bah, puisque vous ne m'en demandez pas, je vais quand même vous dire comment et pourquoi je l'ai faite, hein, parce que bon, quand je l'ai faite à but tout à fait lucratif, je compte la vendre très très cher. Non, je rigole. Alors bah pour la musique que je fais en fait, spécialement ces temps-ci, musique de enfin liée à World of Warcraft, plutôt à l'univers de Warcraft, hein, tout en entier. Pourquoi je la fais? Bah parce que en fait j'aime bien, en fait j'adore les musiques de WoW. Je trouve que c'est un des premiers jeux qui a autant d'univers musical dans son contenu. Et en fait, j'ai repris il y a quelques temps en fait la composition musicale via un programme qui s'appelle pardon, via un programme qui s'appelle Reason 4. Donc c'est un programme qui permet de mapper des sons. Donc l'explication, c'est tout simplement vous avez des samples de sons d'instruments note par note et vous pouvez les écrire sur une portée, créer plusieurs types d'instruments jusqu'à avoir quasiment l'entier d'un orchestre. Et puis après, bon, c'est toute une question de d'habitude en fait. Mais je veux dire, je me suis dit bon, pourquoi pas recommencer à faire avec ce qui m'inspire le plus ces temps-ci, c'est-à-dire les musiques fantasy de WoW. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que je me dise, jusqu'à ce que, enfin pardon, jusqu'à ce que je trouve que l'histoire du Roi Lich, c'était quand même une histoire qui avait été, bon, très bien exploitée dans le jeu, mais dans son univers, tout le monde dit, ouais, voilà, Arthas, enfin le Roi Lich, c'est un boss, voilà, on le voit, c'est un gros méchant. Paf, c'est fini. Alors que son histoire, elle n'est pas tout à fait celle-ci, hein. Si on regarde, c'est quand même une histoire dure, c'est une histoire cruelle pour lui, à la base, hein. Il n'a quand même pas eu de bol. Il a mal fait des mauvais choix, et puis en voulant faire le bien, il a fait le mal, et puis il est devenu ce qu'il est. Et donc j'essaie de retranscrire ça par la musique. Et en début, je voulais en faire qu'une, puis je me suis dit non, je pourrais pas mettre tout ce que je veux dans un seul morceau. Donc je vais en faire trois parties et ce qui s'est passé. Donc la première partie c'est Memories, donc c'est les souvenirs. La deuxième partie c'est Heroes, donc les héros qui vont se battre contre le roi Lich. Et la troisième partie c'est Rédemption, donc on y met si on peut dire un petit peu le pardon. D'ailleurs je pense que j'avais vu un peu juste en voyant la vidéo de fin donc du roi Lich, la chute du roi Lich, puisque on y met voilà il rejoint son père et il est enfin libéré de l'emprise de Ner'zhul. Donc bon, voilà, je pense peut-être pas continuer à faire des musiques sur WoW uniquement, parce que bon, je pense que faut un petit peu s'aérer. Mais je vais continuer à en faire. Cette musique-là, en fait, si vous avez pas, si vous avez, enfin, je pense que vous l'avez peut-être pas remarqué, mais dans l'épisode précédent, l'épisode 10, je l'ai inclus quelque part. Je vous dis pas où, puis vous verrez bien. Donc voilà, parce que bon, elle a été finie au moment du montage. Et cette inspiration, t'es pas venue suite à l'interview de David Arkenstone? Alors, pas les musiques de voix à proprement parler. David Arkenstone, ça m'a inspiré plus pour deux des musiques que j'ai fait. Il y avait une balade médiévale, ouais, je parce m'en que rappelle. voilà, c'est une des premières que j'ai commencé à refaire en fait, et une autre qui était la musique des 5 ans de WoW, enfin que j'ai fait. Pour fêter l'anniversaire des 5 ans de WoW, où il y a quand même une grande partie qui est un peu une musique celtique de taverne. Et vu que David Arkenstone en fait pas mal, ça m'avait vraiment inspiré sur ce moment-là. Mais là, c'est vrai que je suis plus inspiré par je suis plus inspiré par l'entier des musiques de WoW, et ça me parle vraiment. Et puis je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, j'espère que vous écouterez ces musiques, puis vous me direz si vous les appréciez ou pas. Voilà. Bon, en tout cas, chapeau. Très très très belle musique. Merci beaucoup. Bon, et on va continuer notre auto-congratulation avec Amandine maintenant, qui nous a posté son superbe dessin pour le calendrier de Warcraft. C'est ça, en fait, c'est pour le calendrier 2011. Hein. En fait, c'est un concours qui propose aux gens d'illustrer l'un des événements mondiaux de World of Warcraft, qui sont par exemple le Wildhiver, de l'amour dans l'air, l'Assassin, etc. Et éventuellement de retrouver les gagnants dans le calendrier 2011 en fait. Et donc je me suis dit que j'allais participer parce que ça mange pas de pain. Et j'ai fait un dessin sur le thème du jour des pirates. En fait, j'ai fait le capitaine de Mezza, c'est la femme qu'on retrouve pour valider le haut fait. D'accord. Honnêtement, plus sexy sur ton dessin. Voilà, c'est ce que j'allais Quand dire. je veux. T'as envie d'être un perroquet d'un coup. D'ailleurs, en parlant du perroquet, oui, Eric m'a fait remarquer que le perroquet n'existe pas dans World of Warcraft, ce qui est tout à fait vrai, parce qu'à la base, le perroquet du capitaine de Mezza est vert et rouge, mais en fait, ce sont des couleurs qui se marient très mal. Donc j'ai préféré mettre du bleu à la place du vert, m'en veuillez pas trop. C'est un objet légendaire, c'est pour ça que personne ne l'a vu encore. Tout Ouais, à oui. fait! Voilà, C'est exactement ça. Il tombe à 0,00000001%. On ne l'a pas encore vu, en fait, c'est une rumeur. Et enfin. Donc j'avais des contraintes de taille pour que ça reste imprimable et joli, quoi, pas dessiner un post-it. Je me suis dit que j'allais changer un petit peu de mon style de coloration habituel, donc j'ai fait quelque chose plus comics pour vraiment profiter à fond du fait que j'avais un personnage qui était en extérieur sous le soleil avec un perroquet qui est un animal assez coloré. Donc j'ai profité de cette opportunité pour faire quelque chose de peut-être pas de franchement très original ou novateur. Mais que j'espère joli, qu'il plaira au plus de monde possible, quoi. Bah, j'ai encore sous les yeux là, et franchement, voilà, j'avais vu le preview. En fait, tu m'avais montré la version sans couleur, je trouvais déjà très jolie. J'avais dit que j'aurais bien aimé être un pirate, quoi. Et là, franchement, avec les couleurs, c'est encore 1000 fois mieux, quoi. Franchement, ce style de coloration, j'adore, personnellement. Ça donne du brillant, du volume, c'est voilà, quoi. Enfin, franchement, waouh! Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les détails, en fait. Il y a énormément de détails si on regarde bien. Ne serait-ce que le reflet du soleil, on le voit en haut à droite et en bas à gauche. On voit l'ombre également. Les petits détails sur ce genre de chemise à la Maria Carey, tu C'est vrai que moi j'ai un petit peu raboté la chemise, j'avoue que normalement elle n'est pas comme ça. C'est pas la sorte En même cachée de Maria temps, elle est Carey, très non? transparente et tu as rajouté donc des étoffes bleues à certains endroits et je trouve que tu n'aurais pas dû. Tout transparent. Voilà. Elle est assez fournie au niveau poitrine aussi, hein. Je me demande si elle n'a pas fait des chirurgies esthétiques, hein. Puis je me suis dit que j'allais faire un petit truc un peu original en la mettant en fait en scène sur son bateau et vue à travers la longue-vue d'un autre bateau. Bah, en tout cas, moi je trouve ça vraiment très original et je pense que tu as honnêtement toutes tes chances, hein. Bah, Ah bah c'est oui. gentil, j'espère, mais j'ai vraiment hâte surtout de voir les résultats, voir ce que les autres ont fait, parce que je crois que c'est la première fois qu'ils font illustrer le calendrier Blizzard par des joueurs, quoi, pas par les artistes officiels. Et je trouve ta justification pour ton choix du jour des pirates très bien. Ouais. C'est intelligent d'avoir fait ça plutôt que effectivement le sempiternel Noël ou la Saint-Valentin ou d'autres, enfin ou la fête des brasseurs ou des choses comme ça. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui vont choisir le jour des pirates. Donc, avec beaucoup de chance et même, je suis sûr, avec beaucoup de talent, tu seras dans le calendrier. On va croiser les Je le doigts. souhaite. Et donc là, le concours s'est terminé. Enfin, pour participer, c'était jusqu'à lundi 9, Jusqu'au lundi lundi 8. 8. Ouais. Okay.